Luc chapitre 24. Mais le premier jour de la semaine, comme il était encore fort matin, elles vinrent au sépulcre, et quelques autres avec elles, apportant les aromates qu'elles avaient préparées, et elles trouvèrent la pierre roulée à côté du sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent point le corps du Seigneur Jésus. Et il arriva que comme elles étaient en grande perplexité touchant cela, voici, deux personnages parurent devant elles, en vêtements tout couverts de lumière. Et comme elles étaient toutes épouvantées, et baissaient le visage en terre, ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Qu'ils vous souviennent comment il vous parla, quand il était encore en Galilée, disant, qu'il fallait que le Fils de l'homme, fût livré entre les mains des pécheurs, et qu'il fût crucifié, et qu'il ressuscita le troisième jour. Et elles se souvinrent de ses paroles. Puis s'en étant retournées du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 disciples, et à tous les autres. Or ce fut Marie Magdalène, et Jeanne, et Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elles, qui dirent ces choses aux apôtres. Mais les paroles de ces femmes leur semblèrent comme des rêveries, et ils ne les crurent point. Néanmoins, Pierre s'étant levé, courut au sépulcre, et s'étant courbé pour regarder, il ne vit que les linceuls, mis à côté, puis il partit, admirant en lui-même ce qui était arrivé. Or voici, deux d'entre eux étaient ce jour-là en chemin, pour aller à une bourgade, nommée Emmaüs, qui était loin de Jérusalem environ 60 stades. Et ils s'entretenaient ensemble de toutes ces choses qui étaient arrivées. Et il arriva que comme ils parlaient et conféraient entre eux, Jésus lui-même s'étant approché, se mit à marcher avec eux. Mais leurs yeux étaient retenus, de sorte qu'ils ne le reconnaissaient pas. Et il leur dit, « Quels sont ces discours que vous tenez entre vous en marchant? Et pourquoi êtes-vous tout triste ?» Et l'un d'eux, qui avait nom Cléopas, répondit, et lui dit, « Es-tu seul étranger dans Jérusalem, qui ne sache point les choses qui y sont arrivées ces jours-ci ? » Et il leur dit, « Quelles ?» Ils répondirent, « C'est touchant Jésus le Nazaréen, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu, et devant tout le peuple. » Et comment les principaux sacrificateurs, et nos gouverneurs l'ont livré pour être condamné à mort, et l'ont crucifié. Or nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le troisième jour que ces choses sont arrivées. Toutefois quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, car elles ont été de grand matin au sépulcre, et n'ayant point trouvé son corps, elles sont revenues, en disant que même elles avaient vu une apparition d'ange, qui disait qu'il est vivant. Et quelques-uns des nôtres sont allés au sépulcre, et ont trouvé ainsi que les femmes avaient dit, mais pour lui, ils ne l'ont point vu. Alors il leur dit, ô gens dépourvus de sens, et tardifs de cœur à croire, toutes les choses que les prophètes ont prononcées, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, et qu'il entrât en sa gloire? Puis commençant par Moïse, et continuant par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures les choses qui le regardaient. Et comme ils furent près de la bourgade où ils allaient, ils faisaient semblant d'aller plus loin. Mais ils le forcèrent, en lui disant, « Demeure avec nous, car le soir approche, et le jour commence à baisser. » Il entra donc pour demeurer avec eux. Et il arriva que comme il était à table avec eux, il prit le pain et il le bénit, et l'ayant rompu, il le leur distribua. Alors leurs yeux furent ouverts, en sorte qu'ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils dirent entre eux, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait par le chemin, et qu'il nous expliquait les Écritures ?» Et se levant dans ce moment, ils s'en retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 assemblés, et ceux qui étaient avec eux, qui disaient, « Le Seigneur est véritablement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Et ceux-ci aussi racontèrent les choses qui leur étaient arrivées en chemin, et comment il avait été reconnu d'eux en rompant le pain. Et comme ils tenaient ces discours, Jésus se présenta lui-même au milieu d'eux, et leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Mais eux, tout troublés et épouvantés, croyaient voir un esprit. Et il leur dit, « Pourquoi vous troublez-vous, et pourquoi montent-ils des pensées dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, car c'est moi-même, touchez-moi. » Et me considérez bien, car un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Mais comme encore de joie ils ne croyaient point, et qu'ils s'étonnaient, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Et ils lui présentèrent une pièce de poisson rôti, et d'un rayon de miel. Et l'ayant pris, il mangea devant eux. Puis il leur dit, « Ce sont ici les discours que je vous tenais quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que toutes les choses qui sont écrites de moi dans la loi de Moïse, et dans les prophètes, et dans les psaumes, fussent accomplies. » Alors il leur ouvrit l'esprit pour entendre les Écritures. Et il leur dit, « Il est ainsi écrit, et ainsi il fallait que le Christ souffrît, et qu'il ressuscitât des morts le troisième jour, et qu'on prêcha en son nom la repentance et la rémission des péchés parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Et vous êtes témoins de ces choses, et voici, je m'en vais envoyer sur vous la promesse de mon Père. Vous donc, demeurez dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la vertu d'en haut. » Après quoi il les mena dehors jusqu'en Béthanie, et levant ses mains en haut, il les bénit. Et il arriva qu'en les bénissant, il se sépara d'eux, et fut élevé au ciel. Et eux l'ayant adoré, s'en retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient toujours dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen.